Passion du crime, passion du crime. Passion du crime, passion du crime. C'est ça même, c'est ça même. Passion du crime, la rime, clac, clac. J'y serre mes black, black. Dites au commissaire de ranger leur plaque, plaque. C'est toujours tendu quand ça braque, braque. Seuls les vents du crack, crack. Et se sont rendus avant la traque, traque. À travers la ville, jusqu'à dans ma zac, zac. Le bar y est vide et les billets dans le sac, sac. Faudra gérer la tension si t'es dac, dac. Get mes back, back. Fais attention à la back, back. On veut briller, être le mac, mac. Griller la fac, fac. Et avoir des billets en vrac, vrac. Passion du crime, attaque avec la gnac, gnac. Faut que tu rac, rac. Ou ton sang fera une flac, flac. C'est la guerre, l'ami, à vous contre la mise, illégal clic, on a la passion du crime. Sale époque pour les bombes au clap, mec, on lâche des bombes au mic, animé par cette passion du crime. Que tous les frères lèvent le doigt, lèvent les bras, plein lyrical, cache bras. Passion du crime. Youssoufa, prince au mic, monsieur R. Tire en l'air, grand écrit. Ouais, ouais, écoute ma mélodie. Si t'es mon ennemi, je braque ta tarte, te plaque, c'est pas de l'ironie. Fais gaffe à moi, cause pas un femme, ta gueule, ta bouche, mec. Même si t'as 44 dans la poche, elle peut finir en coup de crosse. Allons vers le froc, B, c'est comme tu. Méro te braque pour un pire, Méro te braque avec un pire, Méro te braque pour une chatte, Méro te braque pour des plaques. Cagoule, armée peuvent débouler, te dépouiller. T'es bien, on appelle ça se débrouiller. Tout transat qui finit mal, fini dans le bain de sang. Dis-moi, t'as pris des balles, putain, on a plein de dents. C'est la guerre, l'ami, à vous contre la mise. Illégal clic, on a la passion du crime. Sale époque pour les bombes au clap. Mec, on lâche des bombes au mic, animé par cette passion du crime. Que tous les frères lèvent le doigt, lèvent les bras. Plein lyrical, cache bras. Passion du crime. Youssoufa, poise au mic, monsieur R. Tire en l'air, grand écrit. Passion du crime. Le reste que 16 mesures à vie pour changer mon destin. Dans cette terre, je me livre comme un clandestin. J'ai la passion du crime. Je marche comme le Christ, j'en ai marre de porter le fardeau. Faut que je m'exprime, j'ai grandi dans la jungle. Là où ta santé pingue, où la misère t'étrangle. On est tous des singes, il me semble. T'amuses pas avec la foudre. Tu partiras avec une balle dans le ventre, j'en ai rien à foutre. Éloigné du monde comme un Koh-Lanta. Je te le jure, Mata. Qu'est-ce à la guide des Tikoloka. Un assassin dans la ville, je vise pile dans le mille, rien à perdre. Et cime comme Esrine. Poison et Dracula, les mecs me traînent d'enculé. Traînent pas sur ma route, j'ai de fumée. C'est la guerre, l'ami, à vous contre la mise. Illégal clic, on a la passion du crime. Sale époque pour les bombes au clap. Mec, on lâche des bombes au mic, animé par cette passion du crime. Que tous les frères lèvent le doigt, lèvent les bras. Plein lyrical, cache bras. Passion du crime. Youssoufa, poison mic, monsieur R. Tire en l'air, grand écrit. Passion du crime. Si la police une nouvelle fois vient vous arrêter, accepterez-vous de vous rendre ? Je ne me rendrai jamais.